auditrices, auditeurs de Sorgue FM, bonjour. C'est Michel qui vous propose, qui vous présente son émission pour les amoureux de l'accordéon, Accordéon Parade. Et pendant une heure, eh bien, on va faire un petit voyage accordéonistique. Bon voyage, auditrices, auditeurs de Sorgue FM. We'll be right back. Oui, et merci à Étienne de Normandie de nous avoir interprété cette merveilleuse valse, la valse des As. Et maintenant, c'est un sympathique jeune homme de 18 ans, je crois, 18 ans, 19 ans, c'est Romain Pruvot, qui va nous emmener dans un camp gitan. Allez Romain, c'est à toi. We'll be right back. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et comme chaque dimanche, Michel vous propose, vous présente Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant de l'accordéon. C'est le plateau d'accordéoniste. 9h-10h tous les dimanches. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Nous allons continuer Accordéon Parade avec un sympathique jeune homme qui nous vient du Portugal, c'est Tino Costa. Thank you. Merci aux accordéonistes jurassiens qui viennent de nous interpréter une polka, Romanelle Polka. Un grand bravo à Kevin Lacombe qui nous vient de d'Aurillac et qui va fêter ses 23 ans au mois de janvier, qui vient de nous interpréter une merveilleuse valse de Joe Priva, sa préférée. Et on continue avec un paso doble. Thank you. voilà, et merci à ce sympathique accordéoniste de nous avoir interprété un passo doble. Et maintenant, c'est Corinne Budeau qui nous interprète Pleine Lune. C'est un tango. Thank you. Merci à Monsieur Émile Prudhomme de nous avoir interprété, ou plutôt d'avoir amené dans les studios ce dimanche un rosé d'été. Merci Émile Prudhomme. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Savez-vous qu'Accordéon Parade, c'est une émission 100% musette sur la bande FM et c'est tous les dimanches. C'est Michel qui vous propose cette émission. Une heure de bonheur pour les mordus de l'accordéon et du piano à bretelles. Et pour se dégourdir les jambes, on va faire avec Dominique un petit coup de Charleston. Allez, vas-y Dominique! We'll be right back. Oui, et on vient de passer la monnaie avec Claude Chevalier qui vient nous interpréter le retour des hirondelles. Thank you. Merci au joyeux Léon qui vient nous interpréter un classique du Paso Doble Espanacani. Et maintenant, c'est Nicole Jacquie. Merci à vous deux, Nicole et Jacquie. Merveilleux morceau, bien interprété. Ça, c'est de l'accordéon. Et on va continuer avec... Avec quoi ? Eh bien, avec une java, et c'est Nicolas. Ah, et c'est la java. Le chimie n'est pas en biche, la scottiche et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta mélèze, je suis ta gonzesse, tu es mon gilot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues flaquettes, et ton bout de mégot. Ouais. Olé, et merci à Benjamin Durafour de nous avoir interprété ce Paso Doble. Eh bien oui, les valseurs vont aller se reposer. Et s'ils veulent recommencer, ben, ils peuvent recommencer dimanche. Ils peuvent recommencer mardi à partir de 10h pour une autre émission, enfin pour la même émission d'Accordéon Parade, puisque l'émission est rediffusée. Je pense que vous avez passé un agréable moment ce dimanche matin sur les 91 MHz de Sorgue FM dans Accordéon Parade. Et c'est Michel qui vous propose cette émission. Le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. 100% musette sur la bande FM. Enfin, une émission pour les amoureux de l'accordéon. Je vous quitte, passez un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt! Bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Auditeur de Sorgue FM, bonjour. Comment allez-vous? Ah, je vois que vous êtes bien réveillé ce dimanche matin. Et puis, dans un mois, on sera Noël. Et un mois avant, comme aujourd'hui, le 25 novembre, on fête les Catherines. Ah ah, vous avez pas pensé à Catherine ? Vous savez, quand on écoute sur GFM le dimanche matin à partir de 10h, peut dire comme Laurie, la vie est belle. Si mes chansons parlent de toi, c'est que j'ai le cœur à la fête. Quand je regarde autour de moi, s'aligner enfin les planètes. Si mes chansons saignent parfois, c'est pour ce que l'amour nous rend bête. Et tout ce qu'il nous remplit de joie, après celle-ci, promis, j'arrête. Il disait, méfie-toi, le mieux est l'ennemi du bien. Je réponds depuis toi, que le bien mieux n'est l'ennemi de rien. Environ toutes les 10 secondes, c'est que je ne comprends toujours pas comment le reste du monde peut se passer de tes bras, de ton courage, de tes baisers. Dans un refrain de toi et moi, je viendrai rallumer l'été. Il disait, méfie-toi, le mieux. Et les temps chers, les rues patraquent. sa mélodie, une mélodie d'amour que je t'apporte, mais tu n'as pas voulu m'ouvrir ta porte. Et ma musique s'envole jusqu'à ta chambre. Et toi, tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Oui, je reviens vers toi, réponds-moi, il n'est pas trop tard. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Que s'envole jusqu'à ta chambre. Et toi, tu fais semblant de ne pas l'entendre. L'amour réveille toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, pour toi que j'aime. Ne me repousse pas, donne-moi la chance de te revoir. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Vous aimez l'accordéon? Eh bien, toutes les semaines, le dimanche de 9h à 10h, Michel vous propose Accordéon Parade. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Puis vous pouvez retrouver toutes les bonnes émissions de Sorgi FM en podcast sur Internet. Eh bien, un grand merci aux haricots rouges qui viennent nous faire danser, sauter. Ah, un sympathique groupe qu'on écoute de temps en temps et c'est très, très agréable. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans le Jura suisse, avec l'écho des Ordons qui nous interprètent une belle journée à la montagne. Messieurs, c'est à vous, quand vous voulez. Messieurs, merci, merci, et une belle journée à la montagne, ça fait beau quand il y a le soleil, mais en ce moment, on peut pas dire que ça fait beau, mais on irait bien faire un petit tour à la montagne. Tenez, en parlant de montagne, on va écouter un sympathique Manu Mauguin qui a trouvé une belle chanson sur le Jura, « Mon beau Jura ». Il va nous interpréter comme nous sommes au pied des monts Jura. C'est tout indiqué pour nous, auditrices, auditeurs de Sorge FM. Alors s'il y a des Jurassiens qui écoutent Sorge FM, qui viennent du Jura, eh bien, je leur dédicace ce morceau, mon beau Jura, à tous les Jurassiens qui écoutent les 91, les 91 MHz de Sorge FM. Mon beau Jura. Croisent les gens siennes, j'aime l'été. sous nos sapins où poussent les morilles. Chers petits, et l'on entend là-haut, là-haut, j'entends chanter dans son chalet le fromager. Maman, je suis passé voir Pépé et Mémé. Ce matin, Pépé buvait une bouteille de Bordeaux au goulot. Il m'a dit, je prends mon médicament. J'ai dit, le Bordeaux, c'est pas un médicament. Il m'a dit, si, sur la bouteille, c'est marqué Médoc. Pépé a fêté ses 99 ans et le journaliste est venu l'interviewer. Quand le journaliste a demandé à Pépé s'il avait encore des rapports sexuels... Pépé y a dit, avant avec ma femme on faisait des 69, maintenant on fait des 11. Quand le journaliste a demandé à Pépé ce que c'était qu'un 11, Pépé lui a dit un 11, c'est quand on reste côte à côte sans bouger dans le lit. Mémé a dit au journaliste, sexuellement mon mari s'est beaucoup calmé. Vous le connaissiez. Sexuellement mon mari s'est beaucoup calmé. Avant quand il me sautait dessus, j'avais pas le temps d'enlever ma robe. Maintenant, le temps qu'il me saute dessus, j'ai le temps de m'en tricoter une. Mémé a mis Pépé au régime. Elle a dit, Pépé, pour maigrir, il faut que tu boives 2 litres d'eau par jour. Pépé a dit, je veux bien essayer, mais je ne sais pas si tu te rends compte la quantité de pastis que ça représente. Quand Pépé monte sur la balance, il rentre le ventre. Bon, Mémé a dit, c'est pas parce que tu rentres le ventre que tu pèseras moins. Pépé a dit, je rentre pas le ventre pour peser moins, je rentre le ventre pour voir les chiffres. Avec l'alcool, Pépé n'a plus aucune notion de rien. Hier, il m'a dit, ma petite chatte s'est fait écraser. Je ne reverrai plus ma petite chapelure. Mais j'ai dit, ta chatte ne s'appelait pas Biscotte. Il m'a dit, si, mais tu ne l'as pas vue une fois qu'elle s'est fait écraser. Bah, c'est un sketch, hein. L'autre jour, la voisine a dit à Mémé, ça ne vous gêne pas qu'à 99 ans, votre mari court toujours derrière les femmes? Mémé lui a dit, ça me gêne pas, j'ai un chien qui court derrière les vélos, c'est pas pour ça qu'il arrive à monter dessus. Hier, Mémé m'a dit, la voisine a une haleine de coyote. Mais je sais pas comment lui dire. Mais ce matin, Mémé a trouvé la combine pour lui dire. Ma voisine a une quinte de toux et qu'elle a dit à Mémé, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mémé y a dit, j'ai l'impression que vous avez aussi la litière. Hier, Pépé a dit à Mémé, est-ce que je peux fumer une cigarette après l'amour? Mémé y a dit, tu peux y aller, une cigarette chaque année, ça peut pas te faire de mal. Hier soir, dans le lit, comme tous les soirs, Mémé s'est retourné sur le côté pour s'endormir. Bon, Pépé en a profité pour tenter une approche sexuelle. Il a dit à Mémé, alors, tu la sens? Mémé y a dit, arrête tes conneries, je sais que c'est ta canne. Samedi soir, c'est la fiesta, on se retrouve tous chez Lolita. Les filles attendent le Roméo sur un air de passo, s'élancent sur la piste, c'est fantastique. Samedi soir, c'est la fiesta, on se retrouve tous chez Lolita. Quelques pas suffisent pour que les comptes s'enlisent, la sangria coule à flot, il y en a. Eh bien, si vous ne pouvez pas faire la fiesta le samedi soir, vous pouvez la faire le dimanche matin sur les 91 MHz de Storgia FM en compagnie de Michel avec Accordéon Parade, 9h-10h samedi soir. Et 10h-11h, une heure de détente, une heure de bonne humeur pour chasser tous les ennuis. Olé ! Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et que vous pouvez me retrouver sur Popcast sur GFM. Franck Michael. Souvent prisonniers que de nous-mêmes, selon quelles sont les pensées qui nous reviennent. Lotis seul dans un coin, on n'a goût à rien. Le bonheur est ailleurs. Qu'il ne tienne qu'à un fil, la frontière est fragile entre larmes et sourires. Qui peut choisir à quoi bon se mentir? On écrit l'avenir entre larmes et sourires. Maîtrise jamais nos états d'âme. Contre eux on lutte, oui, mais toujours ils gagnent. On était bien si bien il y a quelques heures. À quoi tient le bonheur? Pourquoi faut-il qu'il ne tienne qu'à un fil? La frontière est fragile entre larmes et sourires. peut choisir à quoi bon se mentir. On écrit l'avenir entre larmes et sourires. Quelques jours je deviens riche, on m'aimera bien sans façon. j'aurais vite une châtelaine. Si j'avais au moins un chapeau au lieu d'un vieux tricot de laine et des bottines traînant l'eau. Attention les cœurs, sois preuve ma chère, ma commune, pour qui je suis souvent chanté. Quand le monde est la bienvenue, fais-moi la charité. À mon niquet, à mon ou ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chanté. Devant moi, sois la bienvenue. Mais ta fenêtre reste close et les dessous ne tombent pas. J'attends cependant peu de choses, jette-moi ce que tu voudras. Argent, pain sec ou vieille rarde, tout me fera plaisir de toi. Et je prierai Dieu qu'il te garde un peu mieux qu'il n'a fait pour moi. Alors, sois preuve, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Ton enfant est la bienvenue, fais-moi la charité. Sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Devant moi, sois la bienvenue. Crois-moi, crois-moi pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son œil. Ça dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poing qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire son show. Mais j'ai du mal à y croire. Mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine. C'est ce du jamais longtemps. Ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Mais tiens, si j'ai l'humeur chagrine, si j'ai del poin et du tourment, c'est qu'une petite garde Joséphine est crevée hier au matin. J'ai cru le souvenir un coup de massue et j'ai bré comme un éléphant. Quand je l'ai retrouvé la statue dans le coin dormi, j'en mire le vent. Non, j'y l'ervirai peu, mes petites gâtes adorées, elle, bon Dieu, l'a volée. Joséphine est crevée. Ça, c'est vraiment une bonne petite pièce. J'ai roué Costesi sur Lujan, qui m'y rouait une plainte gentillesse. Quand j'y dans l'Allemagne et à Tchon, trop la machine dans l'alpateur, j'y caresse ce tièce dans mes mois. Elle est une pauvre petite créature, elle m'irait tchè, dit contentement. Non, j'y nervirai plus. Mes petites gâtes adorées, elle, bon Dieu, l'a volée. Joséphine est crevée. J'y sonnais si bien, mes petites gâtes, qui me fument d'astidia l'eau souvent. Elle me disait, m'telle dans des lois, et signaliez votre testament. Moi, tout ça, c'est des rameaux d'âge. Et si tu me gâtes, j'ai ça, c'est qu'à voulait jamais de ramasse, jamais de grognon, ni de courchabon. Non, j'y nervirai plus, mes petites gâtes adorées, elle, bon Dieu, l'a volé. Joséphine est crevée. Joséphine a cette si gentille qui d'une salaine est roublie. Je le considérais d'elle famille tellement qu'il y a loué une voltille. Et dans nos sens, vous pouvez me croire pour vous prouver que nous sommes beaux. Nous n'avons fait que dire des prières pour qu'elle s'éveille au paradis. Non, j'y n'ervirai plus, mes petites gâtes adorées, elle, bon Dieu, l'a volée. Joséphine est crevée. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Bah c'est la même, si je vous gêne,

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Bye bye, tira les Eh bien oui, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, l'émission se termine. On se retrouve bientôt pour une autre émission de variété de détente. Et bien sûr d'accordéon. Alors passez un bon dimanche, une bonne semaine. Également un bon mardi. Allez, bye bye, à bientôt.